Fun, 96.2. La FM en couleur. Nicky Hanson. Nicky. Avel. DJ Wilson. To Caribbean Souk. Volume 2. Sur le 96.2, si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 17h. Votre émission Groupe Tropical. le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe avec cet après-midi beaucoup de compas, beaucoup de souvenirs, beaucoup de cookers, des nouveautés également. En tout cas, tout pour vous faire passer un très très bon après-midi au soleil de Radio Arc-en-Ciel. On continue justement avec une nouveauté. Le groupe Gabal vient de sortir un tout nouvel album il y a même pas une semaine. Je vous propose d'en écouter un extrait tout de suite. Et c'est pour comparer. Très très bon après-midi en ma compagnie. En couleur. Simple, Admiralty. Ah oui, mais je sais bien, c'est un peu l'heure de la sieste. Allez, 96.2, la bonne fréquence pour le maximum de soleil. Merci mon Dieu, life aller à la vie. C'est bien important qui matériel, bien important qui l'argent. Et pour ça, on va remettre aussi le bon Dieu. Comment la santé? Merci, bon Dieu. Yeah. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. C'est le bagaille qui a fait moins plaisir, c'est le moins important. chérie. C'est au seul que tout trois plus de moi. C'est à part seul moi le mourir. C'est le bagage qui a fait moins plaisir. C'est les moins en bord du chérie. C'est au seul que tout trois plus de moi. C'est à part seul moi le mourir. C'est les moyens en partie chérie. C'est où celle qui tout doit plus de moi. C'est à mort celle moi le mourir. C'est le bagage qui a fait moins plaisir. C'est les moyens en partie chérie. C'est où celle qui tout doit plus de moi. C'est à mort celle moi le mourir. de moi en bord qui j'ai vu. C'est où celle qui tout toi plus de moi. C'est y'a bon seul moi le mourir. C'est le bagaille qui a fait moi plaisir. C'est les moi en bord qui j'ai vu. C'est où celle qui tout toi plus de moi. C'est y'a bon seul moi le mourir. Il ne s'agissait que d'amour. Quoi que les gens disent, c'est pas leurs affaires. Pour moi, il n'y avait que de l'amour. On rejoue les clichés pour légitimer qu'il ne reste plus d'amour. Pas de remise en question, on se met l'impression alors qu'on parle d'amour. L'amour c'est la haine à l'envers. Et Happy End c'est dans les feux de l'amour. On joue les clichés pour légitimer qu'il ne reste plus d'amour. Pas de remise en question, on se met la pression alors qu'on parle. Mise à que sans ça sert. On a rejoué l'histoire à l'envers. Vrai le maladroit, surtout fier. J'aime quand même qu'on a mes risques l'amour. J'irai pas à pas, je m'en sortirai pas à pas. fond de ta voix, combien de fois j'ai tremblé. Ah oh ouais, et de moi-même je suis déçu. Je suis seul laissé tenter par le sombre issue. Ah oh ouais, tu représentes un danger imminent et jamais tu ne pourras changer. Non, non, non. À chaque blessure que je pense, c'est à la vie qu'on aura pu avoir que je pense. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Jesus. Magnificent tandem, toujours délicatement. See why I love you again. let me out. I love you, my dear. I love you, my dear. All for your love, dans l'atmosphère. Moi, viens là, moi, je vais. les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Je suis

chéri, chéri, pozo. Ou pas besoin de paix, mais pas cablo. Quoi dans la moussa, chéri, pozo. Non, mais pas ta fou, pour me dire où ta prime en pile. Un hommage à Michel Nerpa. Thank you.

Trois belles paroles dans son veille. Ça va manger, me l'a envie faire l'amour. La tante, j'ai envie de tirer tout la dessous. A souhait à moi, mal faut oublier tout problème. T'as dit qui j'en qu'elle nous abatte sans coup de sang. La tante, mami, mami, ma vie passe l'âme secours. L'âme secours. c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Voyez musique, voyez chalet. arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. The diaspora tout temps.

96.2. La FM en couleur. c'est pasteur qui vend des capotes. Si c'est Tito qui vend des capotes. Mais c'est Chacha qui vend des capotes. Mais mesdames, ils vendent des capotes. Souvenirs, et eh bien voilà, il a duré une dizaine de minutes en tout cas. Ça fait un bien fou que tous ceux qui n'ont pas dansé une seule fois sur sa moto, eh bien lèvent le doigt. Parce que là, c'est pas possible. Bien, en tout cas, il est presque 17h sur la FM tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Merci de votre fidélité au 96.2. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. for you made my people free. You the reason I feel I could be anything. She in the white shirt, she in the white shirt, under the hot sun. Love when she talking that Creole. That day on Belfam, I'm in love with Lady Haiti. And when they call me to the Grammy, I wrap the flag all around me. Cause I'm in love with Lady Haiti. Cause someone love to call me crazy. I left the music when they hate it. Even though they try to stop me, I'm in love with Lady Haiti. Said I stole everything that we built. You told me don't bother. Truth's in my eyes. From the bottom of the bucket, drink too deep. Up. Every time you were around, I keep feeling clutched up. Despite what they think, we got a chance. Cause we got one last dance. She in the white shirt. She in the white shirt. Under the hot sun. Non pas j'en panique. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.